tes lèvres, tu vas arriver. Ah, j'éteins ton pour l'endormir des feux. Moi aussi, je t'aime. J'ai déjà mis la table. Oui, chérie, les bougies sont allumées. La la.